Bonnet tout rose qui sent les bonbons créma. Balance le cul et la crinière faite en barbe à papa. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la bonnet ch'tarbée. Elle qui fait vraiment faire la fête avec ou sans amis. Armée de son canon à fête, elle saute comme un cabri. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney cinglée. Elle vivait dans une petite ferme qui cultive des cailloux. C'était une vie grise et bien morte que vous t'aimez les hiboux. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney ch'tarbée. D'un bon Sonic Rainbow, son sang ne fit qu'un tour et elle fit cuire des loukoums. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney cinglée. Un jour elle entendit quelqu'un a trouvé du boulot. Elle a hurlé, elle l'a engagé, il s'enfuit au galop. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney ch'tarbée. Solo de canard. Un jour elle sautera hors de l'écran et crois-moi ce sera dur. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney cinglée. C'est un poney qui aime tout le monde et qui a pas d'amoureux. Et je doute qu'elle en ait un jour et je crois que c'est mieux. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney ch'tarbée. Levez-vous les gars, dansez avec Pinkie Pie. Allez donc valser avec la poney cinglée.